Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine avec la fine fleur de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle nous a déjà vanté les mérites du peuple gaulois, de Kafka ou encore de Starmania, elle saura nous émouvoir une nouvelle fois. Cécile, bonsoir Cécile. Bonsoir Gaspard. Il a co-hosté la semaine dernière avec, il faut le dire, du génie. Il a pimpé sa chaise aux couleurs du plat pays. Il est mon meilleur ami, JG. Bonsoir JG. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ah oui, c'est pas dit bonsoir. Et après avoir défendu nos dessinateurs français le mois dernier, on s'attaque cette semaine à un monument de la bande dessinée belge, un pilier, un incontournable. Mais, car il y a toujours un mais, et ici quel mais, on a décidé de corser le tout en lisant la casserole que se traînent nos voisins belges depuis plus de 80 ans, l'œuvre qui met mal à l'aise tout un pays. Cette semaine, on parle de Tintin au Congo de Hergé. Malgré ses origines camerounaises et françaises, Dieudonné n'a malheureusement pas participé à l'écriture de Tintin au Congo. Et malheureusement, il ne peut pas participer à notre podcast ce soir. Alors, on essaye. Johnny, si tu nous entends, on aimerait bien savoir si tu es en bonne santé. Hergé, il est né à Etterbeek, en Belgique, le 22 mai 1907. Alors, Georges Rémy, de son vrai nom, il se découvre rapidement une passion pour le dessin très très jeune. Il publie ses premiers dessins dans le Boy Scout belge. Pour la petite anecdote, j'ai entendu dire qu'il dessinait extrêmement mal. Mmh. Alors, personnellement, je suis pas d'accord parce que, vu... Si Raph était là, il parlerait de la ligne claire. je peux pas en dire plus. J'ai entendu dire qu'il avait aucun ami noir. Hergé ou Raph? En 1928, il entre comme dessinateur au Journal du XXe siècle, un journal catholique, conservateur, flirtant avec une certaine idéologie fasciste, où il se forme au métier de journaliste et il devient rapidement rédacteur en chef de son supplément jeunesse. Il découvre au même moment les bandes dessinées américaines qui font parler des personnages à travers des bulles et il décide avec audace d'importer ce format pour faire vivre ses propres personnages. Et le 10 janvier 1929, il donne naissance au mythique personnage de reporter Tintin. Tintin, aussi connu comme le Spider-Man français selon Stan Lee. Tintin, un personnage avec lequel il prend beaucoup de liberté au début, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'a pas fait beaucoup de travail de recherche, et c'est surtout en fait au milieu des années 30. Moi j'ai été la extrêmement vérité. Surpris quand on m'a dit qu'il avait jamais vécu au Congo, parce que j'avais vraiment l'impression surtout, de qu'il avait vu un noir dans sa vie. Parce que... et j'espère qu'il en verra jamais après, parce que moi, je serais black. Si, il paraît qu'il a rencontré Anthony Guzman. Ah ben je vais faire tout à l'heure. C'est après la rencontre avec l'étudiant Chang Chong-jen, une rencontre qui bouleverse sa vie, qu'il décide de... Pourquoi il est vraiment que raciste des blacks? Oui, c'est ça, non, les Asiates, ça le dérange pas du tout. Bah oui. Enfin, Chang Chong-jen, il est pas du tout Asiate, hein, il est marocain. Il décide de fonder désormais les aventures du journaliste à la houppette sur des connaissances très précises du terrain et de la situation géopolitique internationale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il fonde le journal Tintin, qui fera découvrir de nombreux artistes et sera le théâtre des nouvelles aventures en épisode du reporter et de son fidèle chien Milou. Ils fondent également dans les années 50 le studio Hergé. Et après, on m'a toujours dit qu'il avait une chaîne Pornhub amateur, mais j'étais pas sûr. j'ai pas trouvé. Ah là, Tintin et Alexis Texas, c'est son voyage aux États-Unis. Et d'ailleurs, Tory Black apparaît dans Tintin au Congo. Pour toutes nos auditrices, on parle de région. À l'époque, ça devait s'appeler Tintin chez les Ébonies. Je comprends rien, vous plaît. Alors, arrête d'en rajouter, Cécile. Et bon, après cette vague de rire, Hergé décède en 1983, après avoir quand même publié 23 aventures de Tintin. Et nous avons décidé cette semaine de lire Tintin au Congo, la deuxième aventure du petit reporter à la houppette. Mais bon, nous sommes quand même en 1930, nous sommes bien avant la rencontre qui a bouleversé la vie d'Hergé. Et on peut pas dire qu'en effet, il y a une connaissance très précise de la situation géopolitique à ce moment-là. Après le succès de Tintin chez les Soviets, une BD qui est initiée cette fois-ci par le rédacteur en chef du journal du 20e, dans l'espoir, je cite, de faire naître une vocation coloniale chez les jeunes lecteurs. Propagande. Laissons aux Belges ce qui leur appartient. Exactement. Il aurait dit, Hergé, c'est notre projet. Après la Seconde Guerre mondiale, le 20e, comme on l'appelle, a fermé, mais Tintin a acquis une énorme notoriété internationale qui contraint Hergé en fait à revoir cette BD, à revoir Tintin au Congo et à corriger de nombreux passages et textes. Surtout de ce que j'ai compris, c'est qu'on passe d'un format d'une BD en noir et blanc de 120 pages à seulement 60, donc ça a été énormément écrémé, sans mauvais jeu de mots. À une BD en couleur, sans oui. faire de mauvais jeu de mots. Parce que justement, de nombreux personnages sont passés du blanc au noir. Du blanc au noir, c'est ça. Et pas grâce à Technicolor. Et en fait, il y a un des aspects sur lesquels on va sûrement revenir, mais que j'aimerais aborder maintenant. Par exemple, à l'origine, les Congolais parlaient, comme on dit, et c'est une expression qui est un peu désuète, mais j'en connais pas d'autres, en petit nègre. C'est-à-dire qu'ils parlaient en faux français. Une sorte de créole un peu. Ouais, qui est caricatural du français avec l'accent africain notamment. Qui n'existe pas du tout. Et sauf le deux personnages centraux qu'on aura l'occasion de croiser. Alors, je suis content qu'on puisse en parler maintenant, parce qu'on va faire quand même une petite aparté sur ces deux petits zozos. Soit le sorcier et le chef de la tribu, qui en fait parlaient, eux, un extrêmement bon français. Et alors là, en revanche, ils parlent aussi mal que tous les autres. Exactement. Donc, alors, il n'y a plus, pas que des bonnes améliorations. C'est pas qu'il parle mal, c'est qu'il l'écrit en phonétique, en fait. C'est très gênant à lire. Non, et puis il met les infinitifs, etc. Ah oui, non, mais ils ont aucune idée de la maîtrise de la langue belge. Et du coup, Gaspard, est-ce que t'as un petit mot à nous donner sur ce fameux sorcier? Sur ce sorcier qui a tout le respect de Hergé, puisqu'il est considéré comme un savant, puisqu'il a une casserole sur la tête. et de la part de Hergé, qui donc n'a pas mis les pieds au Congo de sa vie, Congo belge à l'époque, il faut le dire. Les érudits ont des casseroles sur la tête. Ah bah oui. Lui-même avait des casseroles sur la tête. C'est horriblement gênant avec la distance et avec notre époque de lire presque 90 ans après sa publication. Et bon, faut savoir quand même que c'est une BD qui se trimballe, donc une énorme casserole elle aussi depuis des années, depuis sa réédition dans les années 70, parce qu'il y a eu une énorme rupture de stock. Tout le monde s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire. S'en est suivi toute une succession d'événements qui se sont prolongés même des années encore après la mort d'Hergé et qui continuent aujourd'hui sur la BD, de savoir si oui ou non on l'accompagne d'un feuillet explicatif. Ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de Mein Kampf qui... Oui, édité que avec des les pamphlets de Céline là. Alors par ailleurs, Hergé a dessiné Mein Kampf d'ailleurs. Il a illustré. En Pologne. Je tenais à dire à la jeunesse, ne vous fiez pas aux commentaires de Mein Kampf, c'est que des conneries. Hein. Le texte est en original et en gothique. Bref, une œuvre qui fait quand même polémique encore aujourd'hui, mais qui a fait tout de même, il faut le dire, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Pas mal. Quoi, la moitié des albums de Kyo à peu près, ouais, c'est ça. C'est un truc, c'est la moitié de Bienvenue chez Ch'ti. Ce qui vous donne l'impact. Moi, je sais pas lequel est le plus con. Hein. Non, mais c'est une œuvre assez complexe à maîtriser. Il faut le dire qu'on la regarde aujourd'hui avec un certain humour. C'est un peu, moi je l'ai vu comme on voit les films d'OSS 117, où on le voit évoluer dans un milieu qui le dépasse complètement. Oui. Prendre tous les étrangers. Oui, mais tu le prends plus comme quelque chose, ouais, de naïf, un peu. Tu mets ça sur la naïveté. En fait, c'est pas les autres qui plutôt pourraient, que sur une volonté de vraiment être raciste. C'est Tintin qui est un con, en fait. Bon, oui, mais c'est ça. Surtout que c'est exactement ça. C'est pas du tout, mais en soi, la caricature du Congolais, elle est pas méchante. C'est finalement un grand enfant qu'il connaît pas, qui est étranger, qu'il a du mal à comprendre. Il a oublié ce qu'est le Congolais. C'est que du fantasme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas du tout la méchanceté d'une supériorité. Par exemple. en brut dans le texte. Hein. Mais il n'y a pas une question de supériorité ou autre, c'est vraiment ce rêve grand blanc qui évangélise ces pauvres petits noirs qui sont là avec ces serpents, mais en plus, c'est risible. Mais bon, c'est bête en fait, oui, c'est simplement bête. Puis c'est les débuts de Tintin, alors c'est toujours marrant de voir ce que c'est devenu après. On n'est pas là pour moquer Tintin, moi je vais être très sincère avec vous, Tintin ça n'était pas du tout un délire dans ma famille. Lisez Tintin, c'est vraiment, c'est très bien j'imagine. Mais Tintin au Congo, voilà. Enfin, moi je suis pas une grande fan, mais je connais bien, mais toute ma famille est une grande fan. Et maintenant qu'on a tous donné notre avis, je pense qu'on peut passer à la lecture de cette grande œuvre. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles, place de Brouckère, on voit. Et la BD s'ouvre sur Tintin, sur le quai de la gare, qui s'apprête à prendre le train pour arriver au port, pour partir en Afrique. Il précise pas où, mais il part en Afrique. Milou se vante auprès de tout le monde. Milou fait grave le mec, du coup, qui part en voyage, etc., machin, auprès de ses amis, qui va coloniser l'Afrique. Bon, il fait un peu moins le malin une fois monté à bord, puisque, en fait, dès qu'il arrive sur le bateau, il se fait mordre par un perroquet. Et encore, c'est pas sa plus grosse frayeur, parce que quand, en fait, là, c'est la deuxième fois où on a l'occasion de rencontrer un noir dans Tintin au Congo. Alors, on sait pas si des Congolais ou des Noirs ou des Africains, enfin, globalement, ils ont tous une allure plutôt extraterrestre. C'est même pas des êtres humains, à ce niveau-là. Ah bah, non, mais c'est vraiment la preuve que Hergé n'a jamais mis les pieds au Congo de sa vie. Bah, mais ils sont limite simiesques, quoi. Ouais, oui, non, c'est vrai. C'est d'un mépris. Mais c'est Homer Simpson. Oui, c'est ça. Et à la place du jaune, c'est du noir. Et peut-être que les lèvres sont un peu plus pulpeuses, un tout petit peu. Tu disais que c'était c'est le deuxième, mais parce que le premier personnage noir qu'on a vu, c'est un type sur le bateau qui ouvre la porte à Tintin, qui lui dit voici votre chambre, missier. Et donc on est initié à ce moment-là au texte. Et c'est là que ça m'a fait penser à OSS 117 où il dit Sidi Bramar, Slimane, etc. Il va y en avoir plein dans la BD. J'aimerais bien connaître la marque du lipstick de toutes ces tribus africaines. Parce qu'elles vivent au soleil tout le temps. Et alors, et c'est surtout, sec et tout, et ils ont des lèvres magnifiques. Pulpeuses et rayonnantes. Ouais. Beaucoup de femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique alors qu'il suffirait simplement d'avoir un aïeul congolais congolais. C'est ça. Comme Hergé les connaît, je peux te dire que tu fais une carrière dans le porno sans problème. Hein. Mais Milou, amené à l'infirmerie pour soigner sa blessure, va se sentir très très bien lorsqu'en fait il voit arriver ce qu'il pense être l'infirmier, qui est un noir. Pire, exactement, un congolais. Et là, il dit ça jamais, plutôt mourir. À la simple vue de cet infirmier. Il a seulement, tu comprends. Hergé qui nous fait une inception de l'idée en mode genre, vous avez compris ce que je voulais dire. D'un autre côté, vu leur look, je comprends que le petit Milou ait eu peur. Oui, parce que moi-même, je croise quelqu'un comme ça, je peux te dire que je fais pas le malin. Et Milou retombe sur le perroquet dans le bateau et en le poursuivant, il tombe sur un voyageur clandestin bien malveillant dans une pièce cachée du bateau. Je vous rassure, c'est un passager clandestin qui est blanc. Hein. C'est pas... lui, il a le droit aux honneurs d'Hergé. Mais c'est peut-être la seule fois où on s'éloigne de la réalité, parce que le passager clandestin est blanc. Mais bon, on va voir que c'est seul le passager clandestin arrive à vraiment faire des trucs pour entraver l'histoire. Saute à l'eau. Oui, c'est ça. Milou, effrayé par ce passager clandestin, saute à l'eau. Et débute alors toute une première péripétie. Il faut expliquer que Tintin au Congo, c'est souvent ça. Ça n'a, il y a pas d'histoire en fait. C'est pas Tintin qui vient au Congo faire une enquête particulière. Bah non, il fait juste rien et puis il visite et puis il y a pas de fil conducteur. Il lui arrive des trucs, il se sort de ces trucs et puis voilà. Et puis c'est fini. Et donc du coup Milou tombe à l'eau. Tintin va le chercher du coup grâce à un câble métallique. Et c'est là qu'on est vraiment dans, un peu comme dans une comédie musicale où les mecs en fait racontent tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que donc là Tintin dit genre vite, jetons à Milou un câble métallique. Oui mais merci. En fait on est dans une BD donc le principe c'est qu'un de là, s'il te plaît. Le principe c'est qu'il y a un dessin, donc en fait on voit. Mais il se passe plein de trucs. Milou est mordu par un poisson qu'on n'a jamais vu dans notre vie, quand même, qui est un truc tout plat. Poisson une sorte crêpe. De raie, une sorte de... Ils appellent ça un poisson torpille. Alors je crois qu'il y a plein de poissons torpilles qui ont été retrouvés au cœur de la Belgique après le passage des Allemands. Et Tintin finit par se jeter à l'eau pour aller sauver son petit chien Milou. Un requin arrive, Tintin n'en a rien à battre. Un coup dans le nez, tout va mieux. Il s'échappe et tout va bien. Et après quelques jours d'une traversée très compliquée, ils arrivent enfin sur l'autre continent. On va avoir le droit à deux cases qu'on aimerait analyser ici. De quelle case tu parles ? Non, mais des cases de bande dessinée. C'est pas celle de l'oncle Tom encore ? Il va falloir faire une émission sur la case de l'oncle Tom, on en parle à chaque fois. Non mais là, c'est des cases de bande dessinée qui sont construites comme un champ et un contre-champ, comme au cinéma. Le premier qui nous montre Tintin et Milou en bon occidentaux, avec l'imperméable qui pointe le continent d'un doigt qu'ils vont conquérir. Et justement, moi, pour que vous voyez un peu la scène, ça m'a fait beaucoup penser au... Alors, je crois que c'est le cavalier devant l'horizon de Friedrich. Et en fait, on voit un mec de dos qui regarde l'horizon brumeux. C'est romantique. Exactement. Et là, c'est un peu la même chose, en mieux, parce que du coup, on a l'éphèbe Tintin avec son petit Milou qui lui montre « Regarde, mon petit, voici l'Afrique !» Et puis, soudain, on a le contre-champ d'Hergé qui est « Boubou, regarde le bateau !» Alors, et là, on fait la connaissance d'un personnage qu'on ne verra que dans cette case. Qui est Boule de Neige. C'est la première fois qu'on rencontre un autochtone. C'est un petit peu un comble, quand même, de s'appeler Boule de Neige. Alors, la vision... de l'Africain, même pas du Congolais par Hergé, c'est un type avec une lance et un bouclier et un pagne, et t'y vois ces grands bateaux, Boule de Neige, et bah ça y en a Tintin et Milou sur ce bateau. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on en a donné un petit avant-goût, les Congolais ont tous la même tête. C'est-à-dire que tu peux juste les différencier par leur taille ou même leur vêtement. Même les bébés, ils ont les mêmes têtes. Mais alors, en revanche, les Toubabs fragiles, eux, ils ont droit à un style. Hein. Dès le lendemain, après son arrivée, après avoir été accueilli et porté en triomphe par tout le peuple congolais, Tintin décide de partir en vadrouille dans la savane. Et pour partir en vadrouille, il a besoin d'un accompagnateur. Et c'est là qu'on découvre le personnage, grande idole congolaise, et qui aujourd'hui a le droit à sa statue, à mon avis. Coco. Coco. Alors, Coco, c'est un peu comme Boule de Neige. Mais tous les personnages. Comme à peu près tous les personnages. Alors, je sais pas si vous voyez le totem dans Koh-Lanta. C'est Coco. Bah, c'est un peu Coco. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah oui, parce qu'il y a un passage dans le livre où alors on voit les Congolais chanter. Cécile et Gaspard, est-ce que vous pouvez me le faire en chœur? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà, pour ceux qui regardent Koh-Lanta, je sais pas qui s'est inspiré de qui. Totale immersion, on peut pas faire mieux, je crois. Coco n'a pas trop le choix. Coco accompagne Coco Tintin. Coco idolâtre Tintin. Donc se pose Coco même pas. Accompagne Tintin. C'est même pas qu'il idolâtre, c'est que... Pour lui, Tintin, c'est grand maître blanc, c'est missier blanc. Et ils font un premier arrêt pour voir s'il y a du gibier, car après avoir colonisé le Congo, l'idée de Tintin est quand même de décoloniser tous les animaux présents. De tuer tous les animaux. d'explorer la faune riche de l'Afrique. Bientôt ce qu'on va pouvoir appeler le génocide. Les animaux. Alors c'est le génocide. Noé, mais en inversé, en fait. Il doit en rester aucun. Il faut qu'il y ait aucun animal qui puisse monter sur le bateau en retour. Sauf Milou. Mais justement, moi je serais Milou, j'aurais trop peur de me dire, tu sais que mon maître il tue tous les animaux sauf moi. Je vais finir en pantoufle. Mais Milou, il sait qu'il est protégé parce que lui-même il participe à tuer tous les animaux. Il suffit qu'un parce soir, que Milou. Tintin, il est but trop jupilaire et c'est fini de Milou. Enfin, il faut quand même savoir parce que même Coco est en dessous de Milou. Donc là, c'est... Enfin, ouais. Coco est très effrayé de ça. Non, mais blanc, hein. Milou est blanc de chez blanc. C'est le pire raciste. En tout cas, il parle pas avec le crocodile qui manque de le croquer. Et Tintin non plus, puisque bon, Tintin va vite calmer le crocodile. Et en fait, on découvre que Coco a été effrayé. Parce que, bon, certes, si Tintin est là depuis même pas 24 heures au Congo, Coco qui vit là depuis 25 ans, on a l'air de pas avoir foutu les pieds une seule fois dans la nature. C'est quand même une des constantes de toute la BD, c'est que Tintin arrive et donne des leçons à tous les Congolais. Sachant que si on replace un peu les choses dans leur contexte, pour faire un peu mon Captain Obvious et mon mec chiant, la hutte dans laquelle Coco habite est à peu près traversée par des lions dans chaque case. À 2 mètres, t'as des lions et t'as des serpents, mais Coco qui a toujours vécu là a peur d'un croco qui voit à 500 mètres. Hein. En revanche, il a pas peur du missier blanc qu'il a jamais vu de sa vie. J'aurais très peur de Milou surtout. Cette petite chose blanche et poilue. Et pendant que Coco était effrayé par le crocodile, il a laissé passer la voiture. Bon, en fait, ce qu'on nous fait comprendre, c'est quand même que la voiture a été volée par la faute de Coco. Hein. La totomobile a été volée parce que Coco n'a pas fait attention. Tintin, grand maître blanc, rattrape rapidement le malfaiteur. On découvre qu'il s'agit du passager clandestin qui a embêté Milou. Il le rattrape, il le stoppe, il le ligote. Et non, et miraculeusement, des singes lui envoient des noix de coco sur la tête. On sait pas c'est pas là qu'on se demande s'il n'y a pas une petite blague avec coco et noix de coco. Oh, moi je n'avais pas vu celle-là. Quelque chose d'un peu obscène, mal placé. Un degré de lecture que tu as eu et nous non, Cécile. En tout cas, il y a un degré de lecture qui est quand même assez évident. C'est à ce moment-là que Tintin décide de monter le camp et dit à Coco, je cite, Coco, tu vas dresser la tente et allumer le feu. Tu fais les trucs relous et moi je vais faire les trucs cool et je vais te chiller, salut. C'est exactement OSS 117. Et pour continuer dans OSS 117, il y a la scène de chasse à l'antilope qui est assez mémorable puisque Tintin voit au loin une antilope et commence à vider son chargeur et ne comprend pas parce que grand maître mal alpha qu'il est, il se sert extrêmement bien des armes et il y a toujours une antilope au loin et en fait en arrivant il comprend que ses 15 balles of course avaient touché en pleine tête 15 antilopes qui sont c'est horrible qui représente un tas. Alors je sais on a un magnifique tas. Oui, il faut voir que prend, Coco fait la taille de Kirikou, donc je suis pas sûr qu'il mange plus d'un steak. Milou non plus, je sais pas ce qu'il va faire de ses 15 antilopes. Ah non, quoi. Mais c'est totalement gratuit, il est malade. Il y a un apport calorique qui est beaucoup trop important. Alors à moins qu'ils essayent de gaver pour tuer le prisonnier. Mais Tintin, il est venu pour massacrer toute mais, la salade. Mais oui, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Dès qu'il arrive quelque part, il fout la merde et puis il s'en va. Sauf que bon, Milou est capturé à ce moment-là par un singe. Mais quelle est la réponse singe. De Tintin pour s'en sortir. La première étape, c'est quand même de tuer un autre singe. Et surtout dans la version originale, en fait, il dit je vais oxyre toute cette famille. Et on voit qu'au loin, il tue un singe qui s'avère, en fait, dans la version originale, être sûrement un cousin du premier singe. Tintin est donc contraint d'employer la ruse et donc après avoir battu ce singe, il se déguise en singe. C'est là qu'il fait son moment The Revenant. C'est exactement, c'est vraiment ça. Sauf qu'il a quand même beaucoup... Il enlève la peau en 2 secondes et il se met dedans. C'est mais ça même... a pas l'air de sentir ou quoi. Non, ça a l'air très à l'aise. Bah, d'un autre côté, entre Tintin et DiCaprio, je suis désolé, Tintin a eu quand même beaucoup moins de mal à tuer le singe que DiCaprio son ours. Hein. Retour au camp, toujours déguisé en singe, Tintin fait peur à cet idiot de Coco qui semble mettre les pieds dans la nature pour la première fois de sa vie à nouveau. Un vrai couillon ce Coco. Le lendemain, à nouveau, on nous fait comprendre que bon, c'est la faute de Coco, le prisonnier s'est échappé. Ils prennent leur toto, leur auto, et ils arrivent sur une voie ferrée construite par des ouvriers belges, une auto de qualité, de bonne facture, en Belgique pour les Belges, qui n'a rien à voir avec toute la pacotille qu'on peut voir au Congo. Justement, tu parles de pacotille, ils prennent une voie ferrée et là ils percutent une locomotive congolaise. Un tchouk-tchouk. La tchouk-tchouk, comme eux disent. Comme eux disent, bah, c'était pas moi. La Toto n'a rien, mais la locomotive congolaise, en revanche, est détruite. Là, en bon maître blanc, en bon missier blanc qu'il est, Tintin, il va apprendre aux Congolais, enfin, il va plutôt forcer aux Forcer Congolais. Les Congolais. Ah, mais il leur montre l'exemple. Qu'est-ce voilà. qu'il faut de plus? On est au début de l'esclavagisme et du bon. Au début de l'esclavagisme. Non, mais. 1930. Mais non, non. On non, est. Mais le commerce triangulaire a repris, hein. Eh, les gars, dire... on vous avait pas dit? C'est à vous de reconstruire. C'est que le début. C'est à vous de reconstruire ma loco, là. Non, je sais que commence, voilà, les, le petit mode d'emploi du bon colonialiste qui va dire aux Noirs comment ils vont réparer sa locomotive et les laisser faire. Et ils sont très heureux, ces personnages, de réparer leur propre locomotive, puisqu'ils disent même l'immissier blanc très malin. Il est ramené alors au camp de Baba Orom, où il est accueilli en grande pompe par le roi. D'ailleurs, on peut voir une petite intertextualité avec Astérix. Ouh, oui, bien et vu. Et le clan de Baba Orom, notamment. Enfin, pour revenir sur la caricature des personnages congolais de toute l'œuvre, là, le roi ressemble clairement à Donkey Kong. mais c'est affreux à dire, mais c'est... Acclamé en héros par ce roi, il est invité à venir le lendemain chasser le lion. Il manque de se faire tuer, Tintin, mais heureusement, il est sauvé par le plus blanc de tous les blancs, Milou. On aura à nouveau un très grand missier blanc, toi, il y en a sauvé nous. On comprend au fur et à mesure l'idéalisation Tintin par le peuple noir. Et on fait alors la connaissance du personnage du sorcier qui est inquiet. Fameux. Oui, qui est inquiet de voir que Tintin, le blanc, comme il l'appelle, occupe autant de place au village. Alors, je vois pas trop l'intérêt des casseroles. Parce que comme on le voit, ils doivent cuisiner dans des chaudrons où ils mangent tout cru les gens. Mais ils après, ont des casseroles au village. Non, mais après ils le mettent sur la tête. Ah, c'est en fait c'est des casseroles de tête. Il a la chance, ce personnage, puisqu'il se définit tout de suite comme méchant, d'avoir un autre méchant qui vient l'accoster à ce moment-là, qui est le passager clandestin qui revient. Il faut quand même noter que le méchant, donc le sorcier, c'est le seul qui trouve que c'est pas normal que Tintin il fasse son petit maître et que du coup c'est un peu le seul qui a un peu un discours, on va dire, évolué. La colonisation. Sauf que c'était un méchant. Il avait pas une casserole sur la tête. Hein. Ouais, je me suis surtout ça. Et le lendemain matin, il accuse Tintin d'avoir volé le fétiche sacré. Non, mais c'est un coup monté. Le totem de Kirikou. De Koh-Lanta. Ou du Jungle Speed. Pareil, de toute façon. Tintin est alors arrêté, ligoté, condamné à mort. Mais heureusement, il est sauvé en pleine nuit par son ami Coco. Toujours là pour aider le bon blanc. Coco, c'est un peu le Le collabo. Tintin alors découvre dans leur case le sorcier et le fameux passager en train de manigancer un plan machiavélique. Tout a été préparé. Et alors, dans ce cas-là, il décide de se transformer en James Bond, Tintin. High-tech, puisqu'il décide de filmer et d'enregistrer. Du coup, il diffuse son film dans une case avec entrée libre auquel les deux méchants n'ont pas accès. J'ai l'impression que c'est une reproduction du train qui arrive en gare de la Ciotat. Oui, non, c'est ça. Il y a même un point d'interrogation au-dessus d'une tête quand il voit ça. Alors, certes, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de le souligner, quoi? Non, mais ce qu'il fait, c'est que Tintin, il le fait de deux manières. Il filme sans le son, et puis ensuite, il enregistre le son d'un autre truc. Donc, il commence le lendemain en expliquant aux villageois: regardez, j'ai enregistré le son. Alors, il leur passe le son. Ils sont tous en mode, comme des Google, parce que bon, c'est des Congolais selon Hergé, en mode, ouais, il y a du son qui sort de la machine, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas tout. Et mais j'ai oui, pas et Jamie, comment fonctionne le cinéma? Ah mais c'est surtout il fait trop le mec quoi. Et là, il passe, oui c'est ça la pellicule et ils sont en mode. Alors voilà, ça va. Le grand chef il va sortir du mur quoi. Le sorcier et le passager sont renvoyés du camp. Je cite: toi il y en a bon blanc, toi il y en a accepté être grand chef des Babors. Et il est passé au grade de grand chef. Comment refuser quand c'est demandé si gentiment? Oui. Grand chef. Qu'est-ce que tu dis? Il est devenu un dieu au village. On peut vraiment comparer ça à l'arrivée de Jésus. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est biblique en non, plus avec oui, le roi ça. Salomon. Ah oui, alors c'est quoi cette histoire du roi Salomon? Il y a deux pauvres mecs qui se battent pour un chapeau de paille. Parce qu'ils savent faire que ça. Hein, oui, dès qu'il y a un problème, on se bat. Chez les sauvages. Surtout Milou a ce très bon mot. Pourquoi ce pugilat? Bande de noirs. Oui. Mais quel rôle. Vous n'avez pas de richesse pour tout le monde. Et du coup, le grand sage Tintin, là, c'est très simple. Donc, comme le roi Salomon qui faisait ça avec un bébé, il menace de le couper en deux, ce chapeau de paille. Comme ça, il y en a chacun a une part égale. Exactement. Il n'y a plus de dispute. Sauf qu'en fait, ces noirs sont un peu des pharisiens. Pharisiens, c'est ça. Ces non. noirs sont un peu des Congolais, s'il te plaît. Je crois que c'est pharisiens. Ah oui, ouais. Ils sont très contents. Et en fait, non, mais du coup, il leur, alors, il y en a un qui a le droit à la anse du chapeau, donc ce qui fait une petite auréole, et l'autre au couvercle. Il n'a aucun qui protège. Il a l'air d'une boîte de conserve, mais il est super heureux d'avoir une moitié de chapeau parce Il va bien avec son copain sorcier, quand même. et avant de pouvoir, arriver à cette solution qui est quand même une solution magistrale, c'est vrai qu'on comprend qu'ils étaient obligés de se battre pour pas pouvoir se dire, je vais avoir un petit couvercle sur la tête. Tintin est un dieu, ce qui n'empêche pas aux sorciers et aux passagers d'élaborer un nouveau plan, cette fois-ci faire croire aux tribus voisines que Tintin leur déclare la guerre. Rapidement débarquent toutes les tribus voisines équipées Attention. À l'européenne, comme ils disent. Alors eux, c'est le top de la tribu. Tu les vois débarquer avec leurs tenues, donc évidemment de soldats européens, mais genre ils ont chacun des tenues, tu sais, de soldats de la première guerre. Oui, c'est ça. Tu sens qu'ils ont récupéré des stocks de l'armée, et ils sont trop contents. Ils nous présentent vraiment comme des gamins, en fait. Après, ce qui est pas faux, c'est que je suis pas sûr que la Belgique ait vraiment eu besoin de ses stocks pendant la première et la deuxième guerre. Hein. Et là, Tintin, il a un move, mais de ultra beau gosse quand même, puisqu'il se dit, bon, j'ai quand même toutes les tribus du Congo contre moi, elles vont toutes me tirer des flèches, des artilleries et tout. Là, c'est la première fois qu'il sort une vraie ruse. Parce que c'est des armements européens, donc il sait que ça va marcher. Parce qu'avant, il n'a pas sorti des ruses de son chapeau. Congolais, là. Voilà. Bah, de toute façon, les singes balançaient des noix de coco, ça suffisait amplement. Les ruses locales étaient très efficaces. Et donc, sa ruse consiste à se planter à côté d'un arbre. Et il voit que toutes les flèches, toutes les balles, toutes finissent sur l'arbre parce qu'il avait caché un aimant derrière. Mais là, on peut quand même, c'est quand même assez malin. Quand tu lis, t'es là, ah ouais pas mal. T'imagines. Et tu dis quand même que bon, on commence à voir ce que va être Tintin par la suite, où c'est vraiment que des ruses et des trucs, et c'est un peu plus fun, quoi. T'imagines s'il avait foiré son truc, l'aimant était pas puissant, genre c'est fini, Tintin. Oui. Pouf, caboute. Je pense qu'on aurait suivi Milou. Ce que j'allais dire, Milou serait devenu chef de toute l'Afrique. Allez, c'est la révolution. Kirikou, coupe des têtes. Et tu en fais de la bouillie. Moi, le secours, je sais bien où le trouver. C'est ta ta ta ta ta ta ta qui fait s'envoler au loin les nuages de tristesse. Car ta ta ta ta ta ta ta, c'est le soleil du matin et c'est la joie qui revient. Acclamé alors comme un roi, comme un magicien, Tintin est devenu le ultra patron après être le dieu. Le soir, il décide quand même de partir chasser le léopard au bord du lac. Qui après le lion, après le crocodile, après l'antilope, vas-y le léopard. Il a un seul mérite, c'est qu'il ne ramènera pas ses peaux pour faire des manteaux à la castafiore. Non, c'est ça. À part la peau du singe. Aucune espèce ne pour survivra lui. Au passage d'un Tintin en Afrique. Ah, le sorcier décide de se déguiser en léopard pour le tuer, mais qui est vite attaqué par un serpent. Puis surtout, on remarquera que quand Tintin se déguise en singe, c'est parfait. Mais quand le sorcier se déguise en léopard, c'est vraiment nul. c'est Black Panther à un niveau. C'est ça. C'est-à-dire Griezmann. C'est ça. Tintin alors sauve la vie in extremis de ce guerrier déguisé en léopard au proie du serpent. Et c'est là qu'on arrive au summum. Et là, on arrive, oui, merci. Je suis heureux de voir que tu l'as aussi noté à cette phrase qui restera à jamais dans l'histoire de la littérature, de ce personnage qui dit à Tintin, à présent, moi être ton esclave au blanc généreux. Au blanc généreux. On dirait un peu le début d'un film de boule interracial. Tu sais, de me dire que Hergé, il a défendu pendant 40 ans ensuite que sa BD n'était pas raciste. Juste la phrase « À présent, moi, être ton esclave au blanc. » Au blanc généreux. Mais bon, il a beau être généreux, Tintin se fait quand même capturer par le prisonnier, hein, et qui c'est ne là le lâche pas. On comprend qu'il n'y a que les blancs, finalement, qui peuvent capturer les autres blancs dans la jungle, des sauf noirs. Il l'accroche au-dessus des crocodiles pour qu'il se fasse dévorer lentement, alors que bon, il avait de quoi l'abattre avec un fusil, donc s'il veut le tuer, je sais pas pourquoi le prisonnier à chaque fois. Bon, on dirait un peu la scène, genre, je sais pas si vous avez les références, mais dans Austin Powers, un moment, il essaye de buter un mec, et il a un aquarium avec des requins, et à chaque fois, ça foire. c'est un peu ça, quoi. Mais heureusement, qui arrive pour vous sauver ? C'est Milou, bah, le blanc des blancs. Un plus blanc que blanc, pour citer Coluche. Qu'est-ce qui est plus un blanc que blanc ? Vole. Un blanc catholique, oui. Un blanc catholique, un missionnaire, et qui ne vole, qui vole dans les airs mais pas dans les supermarchés, qui touche tout le un monde. Un prêtre même blanc les enfants. Habillé en blanc avec une barbe blanche qui vient les sauver. Il vient sauver un blanc. Ce prêtre missionnaire qui vient enfin de sauver, j'allais dire Jésus, mais qui vient de sauver Tintin. Oui, le nouveau on Jésus. Ne sauve pas Jésus. Il lui présente alors son camp où il se félicite d'avoir éduqué tous les habitants congolais. Alors on a le droit à un dialogue de Milou à ce moment-là qui dit quand même quels as. C'est missionnaire. Ah bah, Milou toujours. Il ne parle pas du fameux début du film de boule. Et entre arrive... Tintin et son esclave. Oh, Tintin, c'est vrai qu'il maîtrise bien le missionnaire. Au royaume du POV. Je suis missionnaire du Bukake. Arrivé au camp, Tintin se propose alors pour dépanner et donner un cours aux élèves congolais. Et c'est une des fameuses planches qui a été obligée de corriger Hergé lors de la réédition, puisqu'à l'origine, Tintin donnait un cours de géographie aux enfants congolais. Alors il leur demandait justement quelle est votre patrie, et de toute façon il n'y avait aucun doute là-dessus. En Belgique. Exactement, tout le monde répondait la Belgique. Messier, la Belgique. La carte au tableau était une carte de la Belgique, parce que quel intérêt d'étudier le Congo, puisque vous connaissez sûrement déjà très bien cette campagne. De toute façon, il n'y a pas d'autre pays que la Belgique. Il y avait Tintin en Syrie aussi, on expliquait. Et débute alors une séquence qui est assez lunaire, puisque surpris de voir que les élèves sont tous des imbéciles illettrés et pas foutus de compter 2+2, il est aussitôt attaqué par un léopard et Tintin va sauver toute la classe de Congolais qui n'a l'air d'avoir jamais mis les pieds en Afrique. C'est vraiment, tu sais, t'as pris des mecs, tu as dit hop, vous êtes en Afrique, et Tintin, le petit maître blanc, viens vous sauver. Il s'agit d'un gentil léopard. D'un gentil léopard. Mais Tintin lui marave quand même sa gueule. Et un truc qui est quand même très étrange, c'est que bon, le léopard se barre, il y a un type qui arrive qui se plaint, oh, ça fait mal à mon léopard. Et le cours se finit aussitôt. En fait, je sais pas quelle durée. Mais c'est pour ça qu'ils apprennent pas aussi. Oui, c'est ça. Il y aurait pas eu le léopard, le cours il aurait duré 3 minutes quoi. Non mais attends, si à chaque attaque de léopard on doit continuer les cours, on n'en est pas sorti. Plus en quoi, Afrique, hein. Voilà quoi, merde. Tu crois qu'on survit là-bas? C'est l'heure de la confession, on ferme les yeux, on ouvre la bouche. Ouais. C'est pour ça que Tintin il tue tous les animaux pour pas être dérangé pendant les cours. Tu parles de tuer les animaux, en effet, le lendemain, à quoi participe Tintin si ce n'est une chasse à l'éléphant? Bah alors attends, là on tombe dans du gros là, c'est ça, ça. Le génocide continue. Et bon, après avoir manqué de se faire démonter par la bête, il arrive à lui tirer dessus, mais bon, n'arrive pas à retrouver. Mais heureusement, un singe. Arrive lui à choper. En fait, ça aurait dû être Coco, tu vois. Tu veux dire pas un Congolais qui est déguisé en singe d'une peau qu'il aurait dépecé? C'est horrible, j'ai l'impression que Hergé accorde plus d'importance au singe qu'au personnage de Congolais. Mais Milou, même Milou. Oui, oui, mais bah, Milou, c'est le personnage numéro 2. Si tu veux. Mais c'est vrai que là, ça aurait pu être le taf de Coco s'il avait bien fait son taf. Oui. Non, mais oui, tu vois ce que je veux dire? Coco, on n'a plus de nouvelles de Coco. Coco, il se dit, c'est pire. Mais moi, c'est ça qui est moche, c'est que c'est vraiment de l'amour Kleenex avec Coco. Moi, j'avais envie de l'aimer et on s'est juste servi de lui et on l'a dégagé. En attendant, le singe, il se saisit de la carabine et il abat l'éléphant sans problème. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin. C'est lui le plus grand héros de pampère, avec son petit chien si drôle qui court comme Tintin. Tintin et Milou, on s'entend bien. Et après avoir abattu Babar qui passait par là, Tintin est alors accosté par à nouveau le passager qui ne démord pas, qui vient l'emmerder. Bon, débute alors un bordel qui dure 10 pages, qui sert pas grand chose, l'histoire à nouveau de déguisement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, Tintin va quand même s'en sortir. Tintin va réussir à pousser le passager dans un précipice. Mm-hmm. Le type meurt, bouffé par les crocodiles, on comprend. Tintin s'en sort, mais bon, Milou cette fois-ci a disparu après cette énorme baston. Where is Milou? Mais alors, Tintin croise alors un pygmée qui l'effraie sans vouloir. Alors, j'aimerais qui effraie qui, hein, entre nous. Tintin parle de ce type en disant ce zèbre. Zèbre, ouais. Insulte ad hominem envers le pygmée. Mais d'un autre, c'est peut-être une qualité, puisque le zèbre étant à moitié blanc, il le considère ça, peut-être même plus que tous ses congénères. Peut-être qu'il préfère, il a peut-être un petit faible pour les pygmées. Ouais. Sauf que c'est alors justement toute l'armée pygmée qui court après lui. Tintin est terrifié, mais en fait, ils viennent en ami et le ramènent au camp. Parce que Tintin est the best. Milou. Et Milou, là, il était sur le trône, on est d'accord, oui. À ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'il a un petit peu pris la confiance pendant que Tintin était parti quelque part. Ouais. On pourrait penser qu'il est un peu déçu que Tintin soit revenu. Mais il faut quand même saluer le fait que le clébard de Tintin soit le roi des pygmées. J'ai quand même. Et c'est zèbre. J'ai pas des velléités de défense particulière des pygmées. Faut quand même dire qu'un un petit caniche à la con qui devient ton roi, t'as quand même un peu le seum. N'oublions pas que dans Congolais, il y a Golé. On découvre alors que quelqu'un avait commandité l'assassinat de Tintin. Alors Tintin retrouve rapidement qui est la personne qui avait commandité son assassinat. Débute un bordel qui n'a aucun sens. Et c'est vraiment. Qui ne sort de nulle part, surtout. Le talent scénaristique de Hergé. Qui a commandité l'assassinat de Tintin? Al Capone. D'accord, donc on est page 50. On avait jamais entendu parler de ça. En fait, c'est juste pour préparer le prochain qui sera Tintin en Amérique. Et là, pour le coup, ça va parler d'Al Capone. Et surtout, ce qui est intéressant de souligner, c'est que Al Capone va être le seul personnage que Tintin va rencontrer qui a vraiment existé. Et les Congolais arrêtent du coup tous les méchants qu'on a découverts 3 pages avant en disant « ça, y en a méchant blanc, allez en prison ». Puis c'est vraiment l'armée de Tintin. Tintin qui... L'armée de la Belgique. d'être un héros puisqu'il se repose dans un palace pendant une bonne semaine et après être fatigué d'avoir connu tout ce luxe, il décide de repartir pour le plat pays. Mais il est alors attaqué par un léopard et il est déçu qu'à ce moment-là, bon, il est attaqué par des léopards, ses porteurs l'aient abandonné. Terrifié à nouveau de voir un léopard. Et qui pourtant était à l'ombre. Oui, c'est ça. De quoi se plaint-il ? C'est alors l'occasion pour Tintin, juste avant de partir, de s'adonner à sa passion. À sa passion ici en Afrique. La mort d'animaux. Il faut savoir qu'il y a quand même un classement dans les races qui méritent d'animaux. Il y a les girafes. Mm-hmm. Les girafes, elles ont le droit d'être prises en photo. Ouais. Les rhinocéros. Par contre, ça, on les bute. À la dynamite. Exactement. Ah. Vous n'y pensiez pas. Tintin l'a fait. Ce psychopathe rencontre ensuite un buffle qu'il abat avec un lance-rocher à ce moment-là. Mais tu sais, on dirait qu'il avait une liste d'animaux RG et qu'il s'est dit merde, c'est la fin. Ok, bon, bah, on va mettre un buffle, une girafe. Et genre, tu sais, on va tout faire rentrer. Surtout que le lance-rocher, ça reste une arme qui est vraiment préhistorique. Européenne, entre guillemets. Hein, tu donc peux être. Vraiment le côté de la chasse comme l'autochtone. Mais ça veut dire que les Noirs n'avaient même pas trouvé le lance-rocher, pour te dire. Les cours. Que tout le troupeau s'apprête à légitimer. Lui éclater la gueule. Il est sauvé au dernier moment par un avion qui passe et qui dit là-bas un blanc poursuivi par un troupeau de buffles. On est loin de la automobile. Surtout, genre, t'imagines si ça avait été un noir. Ah, regarde là, il y a un black. Mais justement. Il y a un noir qui se fait poursuivre par un troupeau de buffles. C'est horrible, c'est juste parce qu'il est blanc qu'il est sauvé. Bah, en même temps, il est repérable du coup. Bah, c'est pour ça qu'il dit ça, non? Bon, il est blanc dans la savane, tu remarques plus un black. Ah, je croyais que c'était pour ça, moi, qu'il dit ça. Au sens, c'est vraiment raciste, et parce qu'il y a que des noirs, il va remarquer le blanc parmi. Heureuse surprise, l'avion qui venait justement le chercher pour l'emmener en Belgique, où une autre mission, donc a priori américaine, comme tu disais, doit lui être confiée. Tintin quitte alors enfin l'Afrique, dont il lui reste, de son propre aveu, encore tant de choses. À voir. Ah oui, retourne-y, Tintin. Et on découvre la dernière page que je peux qualifier personnellement, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, d'immonde. Puisqu'on découvre tout le village qui regrette le départ du dieu Tintin, blanc civilisé, sans qui il ne serait rien. Il y a un petit totem Tintin et un petit totem Milou aussi. C'est vrai. Surtout, ils ont fait un petit café, non, je crois. Non, mais y a, tout le monde est en train de dire à quel point Tintin a changé leur vie et Tintin sera toujours un héros pour eux. Il y a quand même une mère qui dit à son fils si toi passage, toi il ne sera jamais comme Tintin. Surtout, pas cool. Ils réalisent pas que dans deux semaines ils ont plus rien à bouffer parce que Tintin a quand même buté la moitié de la faune. Hein. Fini ce torchon. On peut enfin le dire. Est-ce que c'est peut-être le moment de faire un bilan chacun sur cette bande dessinée? Je commence par toi, Gigi. Alors au début, c'était quand même difficile de vous dire déjà que c'était à chier. Je pense que plus vous avez avancé dans notre description, plus vous avez pu comprendre qu'en fait, c'est carrément illisible. Enfin, on prend aucun plaisir à lire ça. Donc c'est risible. Oui. Mais en fait, il y a le truc, c'est tellement absurde. Pour nous maintenant. Ouais, mais c'est marrant sur que, 10 pages. Que du coup. Sur 60 pages, à la fin, on en a quand même un peu marre. Oui, non, c'est clair. L'intérêt est quand même assez limité, mais bon. C'est vrai que. Au moins, on connaît bien la faune africaine. Et toi, Cécile ? Oui, non, je suis d'accord. C'est pas ouf. Donc, on sait pas où on va et tout, mais après, c'est intéressant quand t'as lu les autres Tintins de voir qu'est-ce qu'il y a déjà et qu'est-ce qu'il y aura plus après, heureusement. Mais oui, non, c'est marrant, mais c'est vrai que c'est difficilement lisible. Heureusement qu'ils ont enlevé 60 pages parce que. C'est une belle leçon de chasse. Je sais pas comment j'aurais fait. Toi, Gaspard. Non, mais moi, justement, je suis un peu d'accord avec vous, mais sauf que bon, moi, ces 60 pages, elles me font affreusement rire, en fait. Ouais. C'est que je vois vraiment des types d'un autre temps. Mais c'est un beau témoignage. En fait. Qui sont malheureusement. Mais en fait, c'est tellement déconnecté que de toute façon, tu prends pas part, t'es forcément en distance par rapport à ça, donc. Et avant de nous quitter, est-ce que vous avez quand même des petites recommandations, Cécile? Oui, je voulais conseiller un podcast qui, grâce à nous, va gagner en visibilité. Oui, on sort pas du tout sur une vague. Tu parles. Ça s'appelle Relire Tintin et c'est un podcast de la chaîne Fréquence Moderne. Je vous invite à écouter et écouter aussi tous les autres podcasts de cette même chaîne. On qui... vous aime, putain. Ouais, qui ne sont pas, en fait. Enfin, tout le monde connaît déjà, mais bon. Et toi, Gigi? Clap, clap. Alors, moi, tout d'abord, j'ai une. Un petit bisou à passer à Pauline, une de nos fidèles auditrices, qui n'a cesse de me contacter sur mon Facebook. J'ai pas le temps de répondre. Marcel. Je le fais sur les ondes. Sinon, en recommandation, puisqu'on parle BD, et pour me racheter un peu une conscience, je vous conseille de lire L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Ah. On a déjà fait un épisode sur Riyad Satouf, puisqu'on a fait un épisode sur Pascal Brutal. Ah voilà, c'est mais ça. Mais si c'est l'occasion de à nouveau déclarer notre amour inconditionnel pour Riyad Satouf. Voilà, alors moi j'ai lu les si trois c'est possible, tomes. On t'aime plus que tout. Et justement, je pense que c'est, après avoir lu Tintin au Congo, il est très bon de lire L'Arabe oui. du futur. Surtout, enfin, la vision d'un type qui sait de quoi il parle, quoi. En revanche, moi, je vous invite à prolonger cette expérience de malaise et de vision tout à fait occidentale d'un continent qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir en allant voir sur YouTube les sketchs de... Sketch, encore, je mets ça entre guillemets. C'est vraiment quoi. Même pas un compliment, c'est un si adjectif. Si vous avez envie d'être gêné. Ouais. De Michel Leeb, qui vous permettront de comprendre ce qu'a été quand même une sorte d'oppression sur un continent et un regard occidental absolument méprisable et qu'on peut continuer de mépriser. Mais en même temps, c'est très drôle de voir ce type penser être drôle et d'entendre la salle rigoler face à tant de cochonneries. Surtout que, je veux juste rajouter un commentaire sur ta recommandation, le plus décevant, c'est pas tant le fait que ce soit extrêmement transgressif ou autre, c'est juste qu'en fait, Il y a aucune blague. Voilà, on manque clairement de blague, alors je vous invite à regarder ça, parce que dans le genre... Et dans ce cas-là, si on peut souligner le talent de vrais humoristes, je vous invite à aller écouter Eric et Ramzy, qui, eux, savaient rire avec les communautés en construisant des vraies vannes. Et les inconnus. Et les inconnus, évidemment, mais bon, moi, j'ai un amour inconditionnel pour Eric et Ramzy. Non, mais du coup, pour rester sur Tintin, faut quand même les bases, si jamais... Les gens oui. n'aiment pas lire, il faut aller voir le dessin animé, je crois qu'il y a tout sur YouTube. Bien sûr. Et sur Netflix, même. Et le film de Steven Spielberg. Oui, alors, moi, je suis entièrement d'accord avec Cécile. Le film de Spielberg est vraiment super. Voilà. Et non, et alors il faut savoir d'ailleurs que vous allez être très déçus si vous voulez voir Tintin au Congo en dessin animé parce qu'il n'existe pas. Ah ouais? Voilà. Il y a deux épisodes. Alors, j'ai enregistré une cassette audio de lui qui fait tout avec les accents. qui est vraiment un must hear, comme on dit. Alors, il faut pas hésiter à m'envoyer un message puisque je ne la délivre que sous le manteau. Vous comprendrez en l'écoutant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur une thématique totalement inclusive, puisqu'on parlera cette fois-ci de Thriller avec un livre d'Agatha Christie. On parlera des dix petits nègres et on se retrouve dans un mois pour parler bande dessinée, le 22 juin précisément, après l'Afrique vue par les Belges. On accostera l'Asie, plus précisément le manga. Merci à vous, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à toi, Cécile, merci, d'avoir été là ce soir. Merci, bonne soirée. Et de nous avoir éclairé sur ta connaissance de Tintin et des Noirs. C'est ça. Et merci à toi, JG. C'est toujours un plaisir de co-hoster ce soir. Vous venez de l'apprendre, mais c'était bien moi le co-host. J'aimerais quand même préciser à nos auditeurs qu'un problème technique nous a contraint à mi-épisode de reprendre tout depuis le début. Et on l'a fait dans la joie et la bonne humeur. Et beaucoup de vannes racistes sont malheureusement passées à la trappe. Ouais, oui. Désolé. Nous sommes très désolés. Pour une magnifique imitation du Congolais qui a la jambe qui le gratte. Par JG. Mais bon, tout ça, peut-être qu'un jour, un bêtisier, qui sait ouais. Et vous, une cassette sous le manteau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Matata. À la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ça, Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou. E-W-D-Y-M-A-L-O-U. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir de gens qui connaissent beaucoup de choses. Incristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre. Oui, ça fait allusion parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Mais oui, c'est clair. Et lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème des TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, du relais. Comme relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir c'est systématique, oui, mais c'est clair. Ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation. C'est-à-dire, la réflexologie. Le réflexe, tout ça. Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Quand on parle de relaxation, c'est les cinq sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'hyposmie qui doit être éventualiste sous cet angle-là, c'est clair. Quand on parle de relais, c'est faire allusion à informatiser le sens dynamiciel vers l'humanité.